Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, le programme MK Ultra et les expériences secrètes de la CIA sur le cerveau humain. On m'a fait toutes sortes de tests. On m'a donné certains médicaments, jusqu'à 40 pilules par jour. Quand je demandais ce que c'était, on me disait « c'est pour ton bien ». Ensuite, on m'a donné des électrochocs. Donc, j'avais peur, une peur épouvantable. Je me souviens, un soir, j'avais dit à la famille, je ne retourne pas à l'hôpital. On avait dit, on va envoyer la police si elle ne revient pas. Jeannine Huard témoigne à l'émission Le Point en 1984 des traitements qu'elle a subis à l'Institut Allen Memorial de Montréal dans les années 1950. Cet institut a participé à l'époque aux expériences secrètes que faisait la CIA sur le cerveau humain dans le cadre de son programme MK Ultra. Ce programme a été créé en 1953 en plein contexte de guerre froide et n'a officiellement pris fin qu'en 1973. Je me lève en criant et je me sens des chocs dans mon sommeil, comme si je touche de l'électricité, quelque chose. Je crie. Et c'est un cauchemar d'un homme haut avec des yeux bleus. Et je vois une corde et des choses électriques. Et je ne savais pas qu'est-ce que c'était. C'était très épeurant. Et c'est seulement quand j'ai découvert qu'est-ce qui m'est arrivé que je sais maintenant si c'était Cameron qui me donnait Il y avait une grande inquiétude à l'effet que les Soviétiques auraient développé des moyens plutôt ésotériques et inhabituels de soi-disant lavage de cerveau de citoyens. Le docteur John Gettinger a été psychologue en chef de la CIA pendant 25 ans. Il y avait une pression continuelle sur tout le monde à l'agence pour pouvoir expliquer et comprendre le lavage de cerveau. Quand on manque des mémoires, c'est une chose que c'est très, très difficile à supporter parce que c'est vide. Mais quelquefois, c'est pas une mémoire complète, jamais. C'est un petit morceau, comme on creuse une tasse à terre et on ramasse un petit morceau de la vitre. Mais mes mémoires sont surtout comme une vitre cassée. Gertrude Gassner à l'émission Dimanche Magazine en mai 1997 et John Gettinger à l'émission The Fifth Estate en mars 1980 pour nous parler de ce programme MK Ultra de la CIA, pour nous expliquer le contexte dans lequel il a été créé. Je reçois Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour, Jacques. Karine, il y a un certain flou qui existe toujours quand on parle de ce fameux programme MK Ultra. Pourquoi ce flou? Dans quelle mesure, en fait, on peut aujourd'hui parler précisément de la nature de ce qu'a été ce programme-là? Bien, en fait, le flou existe notamment parce qu'il y a beaucoup de documents qui ont été détruits en 1973, donc documents qui étaient liés à MK Ultra et qui explicitaient un peu les programmes. Cette destruction-là avait été ordonnée par le directeur de la CIA de l'époque, Richard Helms, mais il faut dire qu'on est dans le contexte de la panique instaurée par le scandale du Watergate. Donc, évidemment, on craint que le public réagisse très mal à ce genre de révélations-là. Et ça prendra quelques années avant qu'on apprenne que finalement, on a retrouvé des pages, 20 000 pages sur ce programme-là, qui vont révéler quelques détails, encore une fois, mais pas l'ensemble du programme, mais on pourra au moins corroborer les témoignages de plusieurs des victimes. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces documents sont pour la plupart déclassifiés et accessibles, notamment sur Internet. Donc, un grand trou dans le temps, là, il a fallu des années, puis on y reviendra pour savoir plus précisément de quoi il en tournait. Puis, ça a été la même chose au Canada, les témoignages qu'on vient d'entendre, c'est des années plus tard qu'on a pu les entendre. Parlez-nous un petit peu du contexte. Ça se passe évidemment en pleine guerre froide, la création et le financement de ce programme-là. Dans quel contexte naît le fameux programme MK Ultra? Bien, vous l'avez dit, c'est le contexte de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, du début de la guerre froide et donc de la crainte du communisme. Mais c'est surtout la guerre de Corée. Au début des années 50, les États-Unis sont en guerre contre la Corée. Et lorsque les prisonniers de guerre américains reviennent aux États-Unis au début des années 50. Certains sont très critiques du mode de vie américain. Il y aura plusieurs articles dans le New York Times, notamment sur ces prisonniers de guerre qui revenaient et critiquaient les États-Unis. Et donc, on commence à se demander du côté du gouvernement américain, est-ce que ces gens-là ont eu le cerveau lavé, et on commence à être à peu près convaincus au sein du gouvernement américain que la Chine et l'URSS en particulier développent des méthodes de lavage de cerveau. Donc, et c'est la paranoïa qui est le macartisme aussi à ce moment-là, bien sûr. L'URSS a l'arme nucléaire. Alors, on craint que les ennemis développent des méthodes de contrôle du cerveau et aussi n'infiltrent la CIA, par exemple, avec des agents communistes sans qu'on s'en aperçoive. Donc, la CIA va vouloir développer un programme pour empêcher cela, ou en tout cas, à tout le moins, faire compétition, si on veut, à l'URSS à cet égard. Mais c'est quand même assez extraordinaire, et ça nous en dit beaucoup sur l'époque, ce que vous venez de nous raconter. C'est comme si, au fond, aux États-Unis, vu des États-Unis à cette époque où le communisme est l'ennemi à abattre, vous parliez de macartisme, c'est comme si c'était impensable qu'un citoyen américain revienne avec voilà. des idées critiques. C'est fou quand même. C'est fou, parce qu'on détestait tellement ce mode de vie-là, il était tellement contraire aux valeurs américaines qu'on ne pouvait pas imaginer que quelqu'un sain d'esprit pouvait ouais. l'endosser et refuser la démocratie à l'américaine, bien sûr. Bon. Alors, l'homme derrière ce programme MK Ultra, c'est Alan Dulles. C'est quelqu'un qui va être très, très important dans ce programme-là, mais autrement aussi, il est directeur de la CIA au début des années 50. On écoute David Talbot, l'auteur du livre The Devil's Chessboard, consacré justement à Alan Dulles, décrire le personnage. Allez voir, c'est tout un personnage. Alan Dulles, extrait de l'émission Democracy Now, animée par Amy Goldman en 2015. He was a man who felt he was above the law. He felt that democracy was. C'était un homme qui se sentait au-dessus des lois. Il croyait que la démocratie ne devait pas être laissée entre les mains des Américains ou de leurs représentants. Il faisait partie de ce que le sociologue très connu des années 50, C. Wright Mills, appelait la Ligue du pouvoir. C. Wright Mills called the power elite. And he felt that he and his brother. Son frère Foster était le secrétaire d'État et il a dirigé la CIA sous la présidence d'Eisenhower. C'était un menteur fini qui était habitué à manipuler les médias. You know, very adept at manipulating the media, the American media. That particular interview was one of the ones. Il existe une entrevue très particulière dans laquelle John Chancellor de NBC News lui a posé des questions assez difficiles. Lorsque Chancellor lui a demandé si la CIA exerçait des influences politiques, il a répondu qu'il essayait seulement d'informer le Congrès de ce qu'il faisait. Et il disait que lorsqu'il commençait à raconter des secrets de la CIA, les membres du Congrès lui disaient « Non, non, non, on ne veut rien entendre, on ne veut pas parler en dormant. » Et c'est comme ça qu'il se couvrait. Members of Congress would say, no, no, no, we don't want to know, we don't want to talk in our sleep. So that, of course, was his cover. C'est donc le directeur de la CIA, Alan Dulles, qui autorise la création de ce fameux programme MK Ultra le 10 avril 1953 à Karine Prémont. Et ce qu'on vient d'entendre, ça nous en dit déjà pas mal sur le style du bonhomme, sur le style d'Alan Dulles. Parlons un petit peu de ce programme qu'il va mettre de l'avant. En quoi consiste-t-il, ce fameux programme MK Ultra? D'abord, juste quelques mots pour rappeler que la CIA a été créée en 1947, donc c'est une institution qui est toute jeune et qui a à ce moment-là une très grande marge de manœuvre et peut agir en secret. Ça va changer au fil du temps, mais c'est ça qui va permettre notamment à Alan Dulles de conduire ce genre d'opération. Donc maintenant, le programme MK Ultra, c'est un ensemble en fait de 150 projets à peu près qui visaient essentiellement à développer des drogues ou des techniques pour contrôler l'esprit humain. Donc, utilisation du LSD, de la mescaline, des amphétamines, mais aussi privation de sommeil, torture, isolement, hypnose. Ce sont des projets qui disposent d'un budget qui est assez colossal pour l'époque, qui représente 6 % du budget total de la CIA à ce moment-là, autour de 100 millions de dollars actuellement, de dollars actuels, pardon. Et ces projets-là sont menés, c'est peut-être ça la force de ce programme MKUltra, ces projets sont menés dans plus de 80 institutions différentes, des universités, des hôpitaux, des prisons, et qui va mobiliser à peu près 200 chercheurs qui sont, pour la plupart, souvent, tout à fait ignorants du rôle de la CIA dans leurs recherches. Les expériences sont menées surtout sur des Américains, mais aussi sur des Canadiens, des Japonais, des Allemands, des Philippins, à l'insu des gens, la plupart du temps. Et donc, pendant presque 20 ans, là, on aura ce genre de recherche pour viser à contrôler l'esprit, pour viser à développer des super soldats, notamment. Mais c'est énorme, comme les chiffres que vous nous donnez, en fait. Donc, autant le programme est un peu, entre guillemets, souterrain, c'est en même temps un très, très gros programme de recherche. Beaucoup de chercheurs, beaucoup d'institutions engagées dans ce programme-là. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font, tous ces chercheurs? Quel genre d'expériences sont menées à l'intérieur de ce programme MKUltra? Bien, ce sont, il faut dire que la CIA s'intéresse depuis sa naissance à différentes techniques qui mettraient peut-être à l'évidence l'utilisation d'agents chimiques, biologiques ou radioactifs pour contrôler les esprits. Dans les années 50, déjà, il y avait le projet Bluebird qui essayait de voir est-ce que la migration des oiseaux pourrait être utilisée, par exemple, pour disséminer des agents chimiques, par exemple, sur l'ennemi. Est-ce que c'est possible d'empoisonner des dirigeants étrangers? La CIA va l'essayer à plusieurs reprises, notamment en empoisonnant les cigares de Fidel Castro, par exemple. Évidemment, ça n'a pas fonctionné, mais on faisait des tests sur les animaux aussi. Est-ce qu'on peut, en mettant un implant dans le cerveau d'un chien, le forcer à obéir à certaines commandes? Donc, ce genre de test-là est présent chez la CIA depuis les tout débuts. Donc là, ce qui va caractériser peut-être plus spécialement MKUltra, c'est vraiment l'utilisation du LSD. Donc ça va devenir le centre d'attention de ce programme-là, qui est dirigé par le chimiste Sidney Gottlieb. Et lui, il est convaincu que cette drogue-là, on le sait, dans les années 50, là, c'est tout nouveau, cette drogue synthétique-là. Donc il est convaincu que le LSD est une drogue qui est capable d'ouvrir le cerveau, si on veut, d'ouvrir les horizons, et par le fait même, faciliter le contrôle, la programmation du cerveau. Ce qu'il va réussir à faire, c'est de faire acheter par la CIA l'ensemble du stock mondial de LSD pour à peu près 250 000 $, va l'importer aux États-Unis pour mener ses expériences. Il va ensuite, et là, l'aspect moral et éthique est assez clair déjà en partant, il va engager d'anciens tortionnaires nazis et japonais pour expliquer aux agents américains comment on fait pour torturer, empoisonner, casser, si on veut, les gens. Et c'est ça qui sera à la base des différents projets MKUltra, bien évidemment. Et ce qu'on veut atteindre comme objectif, essentiellement, c'est des choses comme, par exemple, provoquer l'impulsivité chez les gens, faire vieillir quelqu'un plus rapidement, causer des dommages permanents au cerveau, causer l'amnésie ou peut-être même provoquer des handicaps, des maladies. Donc, on a une panoplie d'effets recherchés et, en fait, on est vraiment dans un mode exploratoire. Il a 38 ans. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Pour les médecins, il est fou. Qu'est-ce qui a pu leur faire croire ça? Ça tient pas debout leur truc, franchement. Jack Nicholson et Matt Murphy dans le dernier film de Milos Forman. Croyez-vous en votre fort intérieur que vous soyez mentalement touché? Loin de là, docteur. Il a enfreint tous les règlements. Il défie les autorités. Ah, c'est pas vrai, vous n'allez pas me faire ce coup-là! Vous n'allez pas me faire ce coup-là! Ne nous faites pas chier avec ça, quoi, franchement, on a voté, le chef a voté, on était à 10 contre 9! Alors vous allez nous la brancher, cette télé, et tout de suite! Il défie l'ordre établi. Nom de Dieu, à vous entendre, vous en avez marre, tout le monde rouspète, vous dites tous assez de cette boîte et tout, et vous n'avez pas le courage de foutre le camp! Mais c'est pas vrai ça, mais qu'est-ce que vous imaginez? Vous êtes dingue ou quoi? Eh bien non! Extrait de la bande-annonce du film, vous l'avez peut-être reconnu, Vol au-dessus d'un nid de coucou, tiré du roman de Ken Kesey. Ken Kesey, Karine Prémont, il fait partie des cobayes qui vont participer au programme MKUltra. Parlons un petit peu de ces gens qui sont, bon, parfois volontaires, parfois pas, mais comment sont sélectionnés, pour ce qui est des cobayes en tout cas, comment sont sélectionnés les cobayes du programme? Mais d'abord, il y a des volontaires, vous l'avez dit, et ces volontaires-là étaient souvent des étudiants qui allaient à Stanford, à Harvard, à Columbia, donc des universités quand même assez prestigieuses. Donc, ces gens étaient payés pour faire des tests. Il faut dire que les critères de ce genre d'études-là étaient beaucoup plus libres, disons, à cette époque-là qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les critères éthiques sont beaucoup plus resserrés. Parmi les volontaires, on retrouvait aussi des prisonniers qui souvent subissaient les expériences les plus extrêmes parce qu'on leur promettait des privilèges s'ils acceptaient de se soumettre à ces expériences-là. Donc, par exemple, on pouvait leur donner des doses triples ou quadruples de LSD pendant des dizaines et des dizaines de jours pour voir ce que ça faisait sur le comportement. Donc, ça, c'était les volontaires. La plupart étaient évidemment involontaires, donc des personnes à qui on distribuait du LSD à leur insu. Et c'était souvent des personnes vulnérables, par exemple, des patients de clinique ou d'hôpitaux psychiatriques, des cancéreux, donc des gens qui ne pouvaient pas se plaindre ou en tout cas qu'on n'aurait peut-être pas cru si jamais ils avaient dénoncé les conditions dans lesquelles on les traitait. On a aussi créé de toutes pièces des opérations spéciales. La plus célèbre est sans aucun doute l'opération Midnight Climax à San Francisco. Et vous comprendrez que par le nom qu'on a aménagé des bordels dirigés par la CIA dans lesquels les prostituées étaient payées par l'agence. Et on droguait les clients à leur insu et des agents derrière des miroirs sans teint observaient les comportements. Et encore une fois, on se doutait bien que ces gens-là ne seraient pas en position de se plaindre si jamais ils découvraient ce qui se passait. On a aussi drogué à leur insu des employés du gouvernement, par exemple. Il y en a qui ont très mal réagi, qui ont commis des crimes ou qui se sont suicidés par la suite. Donc, on n'hésitait pas vraiment à choisir des gens sans leur consentement parce que justement, on voulait évacuer un peu ce facteur de l'équation. Et vous parliez tantôt de Ken Casey, qui était un volontaire célèbre. Il y a le parolier de The Grateful Dead aussi, qui a été, lorsqu'il était à Stanford, volontaire pour ce genre de programme-là, Robert Hunter. Il y a aussi des victimes alléguées, des gens dont on ne sait pas trop si c'est vrai qu'ils ont participé à ce programme-là, notamment le fameux Unabomber, Ted Kaczynski, qui a dit que pendant qu'il était à Stanford, et son frère aussi a soutenu ça, qu'il avait participé au programme de MKUltra, et pour certains, ça pourrait expliquer peut-être son comportement terroriste. Il y a aussi le fameux criminel Whitey Bulger, qui avait été incarné dans le film Black Mass par Johnny Depp, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qui a été utilisé comme cobaye pendant qu'il était prisonnier à Atlanta, par exemple. Et il y a, de façon peut-être encore plus connue peut-être, le cas de Siran Siran, l'assassin de Robert Kennedy. Ses avocats plaident depuis des années qu'il aurait été un cobaye dans ce programme MKUltra, et c'est ce qui expliquerait notamment l'assassinat de Kennedy, mais en même temps, même M. Gottlieb, qui était le chimiste responsable de ce programme-là, finit par dire que le LSD n'avait pas la capacité de permettre le contrôle des esprits. Alors, ce serait étonnant que Siran Siran ait pu commettre ce genre de crime. Ouais. Vous nous avez parlé évidemment essentiellement des États-Unis parce que c'est de là que ça partait tout ça, mais on l'a dit, il y a d'autres pays dans le monde, le Canada entre autres, où il y aura des cobayes et des participants à leur insu. L'émission de Fifth Estate est l'émission en fait qui, au Canada en 1980, a un petit peu levé le voile sur l'existence d'un volet canadien du programme secret de la CIA. I feel like I've been completely used. I feel like my mind has been completely invaded. C'est comme si on m'avait complètement vidé, comme si mon cerveau avait été envahi. Je me souviens qu'il me disait que je devenais de plus en plus petit, et je sentais vraiment que je devenais de plus en plus petit. À un certain moment, je me sentais comme si j'allais venir au monde, vraiment. Ça allait aussi loin que ça dans ma mémoire. Et eux, ils exploraient constamment, en me posant toutes sortes de questions. Je devais répondre, même si je sentais que je n'avais plus aucun contrôle. C'était comme s'ils avaient une emprise totale sur moi. Like they had complete control over me. When I was in the hospital in 59, my husband, that's when he told me. C'est lorsque j'étais à l'hôpital en 1959 que mon mari m'a dit qu'il pensait qu'ils étaient en train de me tuer parce que, comme il me le disait, il y avait à chaque jour un nouveau traitement particulier qu'il ne connaissait pas. Je pense qu'il y avait beaucoup de sommeil dans tout ça parce que je dormais constamment. Je n'ai vu aucun visiteur pendant 3 semaines. Ce sont 3 semaines que j'ai littéralement perdues parce que je ne me rappelle de rien. Ma sœur Nora a pleuré lorsqu'elle m'a vue à ce moment-là. Pourtant, c'est une infirmière diplômée. Mais elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu un tel changement chez une personne en seulement 3 semaines et que j'avais vraiment très mauvaise mine. Elle est une registrée de nurse aussi, et elle a dit qu'elle n'avait jamais vu un tel changement en une personne en 3 semaines. Mais j'ai vraiment really dreadful. Hilda Bernstein et juste avant Bob Logie à l'émission de Fifth Estate en mars 1980. En quoi consistait le fameux volet canadien du programme MKUltra, Karine Prémont? Il était dirigé par le Dr Cameron, ce programme-là, entre 1957 et 1961. Il faut dire que le Dr Cameron ignorait, semble-t-il, que c'était la CIA qui finançait ses recherches de façon indirecte. Et Cameron était l'auteur d'une approche qui proposait de guérir le cerveau en le déprogrammant et en le reprogrammant. Alors, on comprend que ça a intéressé beaucoup la CIA et son programme MKUltra. Et ça, c'était, en somme, 127 patients qui étaient traités par Cameron, donc privation de sommeil, coma artificiel, message audio à répétition pour reprogrammer le cerveau, électrochoc, utilisation de drogue, etc. Mais c'est, dans les faits, des patients qui ont vu leurs conditions s'aggraver avec les années, bien sûr, en raison de ces expériences assez traumatisantes. Et c'est effectivement l'émission Fifth Estate qui va révéler tout ça. 2 émissions, 1980-1985. Avec des témoignages choquants. Tout à fait, parce qu'on ne peut pas imaginer une telle chose, ni dans les années 80, ni maintenant, il faut bien le dire. Et plusieurs patients vont poursuivre à ce moment-là le gouvernement canadien parce qu'ils vont apprendre presque à ce moment-là qu'eux aussi ont été victimes de ce programme-là. Le gouvernement canadien va finir par dédommager les victimes par compassion et non pas en reconnaissant sa culpabilité. Va le faire en 1992. Pourtant, le Canada a, selon The Fifth Estate, contribué aussi à hauteur de 500 000 $ à ce programme-là et va finalement dédommager 77 victimes qui vont recevoir 100 000 $ chacune. Oui. Le docteur Cameron est décédé en 67, alors on n'a pas son témoignage, on n'a pas ses papiers, on n'a pas accès à ses recherches. Et cette enquête du Fifth Estate, je le rappelle, donc c'est en 1980 qu'elle est rendue publique. Aux États-Unis, c'est quelques années plus tôt, mais pas guère plus tôt, en fait. C'est au milieu des années 70 seulement qu'on va connaître, Karine Prémont, l'existence du programme MKUltra. Oui, oui. Parce que le journaliste américain Seymour Hersh va publier une série d'articles sur les activités illégales de la CIA au sens large. Ça va faire partie, le programme MKUltra, de ça. Donc, on n'a pas nécessairement tout le détail là, de ce programme-là dans les années 70. On va avoir le fin mot de l'histoire ou presque seulement en 2007, parce que c'est là où les rapports d'enquête de ces commissions d'enquête qui vont se mettre en branle après les articles de Hersh, c'est là qu'on aura les détails et qui seront rendus publics, qu'on va déclassifier les documents, etc. Donc, on ne sait pas trop avant 2007 quelle est la nature de ce programme-là, quel genre d'expérience concrète on fait. Il faudra attendre deux commissions d'enquête, comme je le disais, qui sont mises sur pied en 75 et qui vont révéler partiellement, recouper des témoignages. Mais évidemment, les gens qui sont impliqués dans ce programme-là, notamment M. Gottlieb, vont dire « Oh, je me souviens plus trop des détails, j'ai pas gardé de documents. » Donc, on n'a pas beaucoup d'éléments là concrets, sinon les témoignages des gens. Et il y aura ces fameux documents détruits, puis ensuite 20 000 pages retrouvées en 1977, qui vont permettre d'avoir ensuite un meilleur portrait de ce qui s'est vraiment passé. Ouais. Dernière question, Karine Prémont. C'est assez épouvantable que ce genre de programme ait existé. Évidemment, il y a un contexte, mais quand même, est-ce que c'est unique? Dans quelle mesure l'existence de ce programme MKUltra est unique ou pas dans l'histoire américaine? Mais c'est pas vraiment unique. On a parlé du projet Bluebird tantôt dans les années 50, mais en 1994, le gouvernement américain va faire une enquête interne et va révéler en fait que plusieurs départements et agences ont mené ce genre d'expérience qui impliquait soit de la drogue ou de la torture entre les années 40 et 70. Le projet Stargate, notamment sur la parapsychologie, sur la création d'un super soldat, d'un fameux candidat manchou aussi. On a vu le livre en 59, le film en 62, et la série Stranger Things, qui est plus récente, là, révèle un peu ce genre de recherche-là. Et plus récemment encore, en 2014, le Sénat a fait enquête sur le programme de torture de la CIA, notamment la simulation de noyade. Donc, on voit qu'il y a une tendance au sein de la CIA de tenter de développer des mécanismes pour torturer ou pour renforcer les capacités des soldats américains eux-mêmes. Ouais. Karine Prémont, c'était fascinant de vous entendre, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup, Karine. Merci. Si vous voulez écouter ou rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.